Ndikomanyanga. Alphonse Kougimana sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal, édition de la mi-journée de ce 19 novembre 2020, dont voici d'abord l'essentiel. Une perte de 10 milliards en 2019 et 3 milliards en 2015, ce sont les pertes qu'a connu l'Office national de télécommunications Natel, comme l'a présenté ce mardi la ministre en charge de la communication dans une réunion avec le Premier ministre et les employés de l'ONATEL. Vous l'entendrez dans sous journal. L'association de lutte pour la protection de l'enfance OGPAYE indique que les violences physiques et psychologiques font partie des violations des droits de l'enfant au Burundi. Le directeur de la protection de l'enfant au sein de cette association le dit à marge de la journée mondiale et de la prévention contre les abus envers les enfants. Et 12 personnes ont perdu leur vie dans des accidents routiers répertoriés en une période de 3 mois dans la province de Kayanza. Vous l'entendrez également dans ce journal. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page santé. Le certificat de dépistage négatif de COVID-19 est délivré à Bujumbura, mais les examens se font sur les frontières du pays. Propos du ministre de la Santé publique après que les commerçants transfrontaliers aient réclamé l'octroi de ce document au niveau des frontières. Tade Nkoumana explique que des cas de tricherie autour de cette attestation s'étaient observés. Il appelle la population à continuer le respect des mesures de prévention contre cette pandémie. On l'écoute. Il essaie de signaler que le test se fait à travers tout le pays pour le COVID-19 et les certificats sont certifiés par l'INSP mais sont délivrés même pour ceux qui entrent à travers la frontière de Kobero, de Makamba et vice-versa. Mais pour ceux qui viennent avec les avions, c'est l'INSP. Mais l'INSP, c'est le laboratoire national de référence qui a des démembrements au niveau des frontières. Et le gouvernement même, comme on a érigé les édifices à l'aéroport international de Bujumbura pour faire le dépistage, cela a été fait aussi à Muyinga parce que c'est un passage où il y a beaucoup de marchandises et beaucoup de gens qui entrent, mais même à Makamba. Donc, les certificats sont délivrés par l'INSP, mais ça se fait à travers les antennes de l'INS dans tout le pays. C'est ainsi que, comme nous voyons que ceux qui viennent de l'extérieur peuvent entrer, passer à travers les mailles de filet et entrer au niveau des communautés, c'est ainsi que nous avons recommandé aux agents de santé communautaire et aux élus locaux de vérifier que chaque individu qui vient de l'extérieur dispose d'un certificat COVID-19 délivré par le laboratoire national de référence de l'INS. Parce que nous voulons nous protéger, mais aussi protéger les Burundais qui sont en train de mener les activités de développement. C'était là le ministre de la Santé, propos recueillis par Erini Bere Nibigira. La baisse lamentable de la qualité de l'enseignement en province Rumonge et des visions disparates de la population de cette province sur les questions de développement sont les principaux défis à lever pour aboutir à un développement intégral de cette province. Consolateur Nitunga, gouverneur de cette province, qui le dit, informe que des initiatives allant dans le sens de trouver solution à ces défis sont à un niveau satisfaisant après 4 mois qu'ils sont commandés de cette province. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Le premier défi à lever est en rapport avec l'éducation qui a chuté ces dernières années en province Rumonge, un secteur qui doit être développé car étant le moteur même du développement, comme le dit consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumonge. Le premier défi, c'est ici et d'envergure. Comme vous le savez, c'est un défi en rapport avec l'éducation. Vous êtes tous témoins que notre province a été classée dernière durant les 3 successives années. À ce sujet, des états généraux ont été convoqués et l'heure est actuellement au suivi de la mise en application des recommandations issues de cette réunion. On a tenu une réunion en état général de l'éducation. On a émis des recommandations et ce sont ces recommandations qu'on est en train de mettre en œuvre partout, sur tout le territoire de la province. Un autre grand défi à lever est l'unité des habitants de cette province autour du développement qui n'est pas actuellement à son niveau pour stimuler le développement, comme le dit le gouverneur de Rumonge. Un autre défi qu'il faut signaler, c'est l'unité entre les natifs. Et ce défi est en train d'être résolu parce que maintenant, on essaie de sensibiliser les natifs que nous devons être unis pour que les objectifs escomptés puissent être atteints. Selon cette autorité provinciale, l'avenir de cette province est prometteur au regard des réalisations en 4 mois d'exercice. Merci Jean-Pierre Misago Dourmongue. Rendons-nous à Kayanza où 12 personnes ont trouvé la mort et 54 autres blessés ces 3 derniers mois suite aux 42 accidents routiers enregistrés en province de Kayanza. Les sources policières en cette province qui fournissent ces données indiquent que la cause de tout cela en a été principalement l'excès de vitesse et l'ignorance du code routier chez surtout les transporteurs à vélo et les conducteurs des taxis motorisés d'État avec Patrick Sengiumfa. Selon les sources policières en province Kayanza, les auteurs de ces accidents qui s'observent souvent là-bas sont principalement les transporteurs à vélo et les conducteurs des mototaxis, et cela parce que beaucoup d'entre eux ne disposent pas de connaissances sur le code routier ainsi que les lois régissant le domaine du transport. Les mêmes sources indiquent que les transporteurs à vélo, surtout, transgressent la loi en continuant à exercer leurs activités de transport le soir, alors que leurs bicyclettes ne disposent pas d'un système d'éclairage, ce qui cause également des accidents. Au niveau de la police à Kayanza, on indique que l'insuffisance des dodanes dans certaines routes de cette province et l'ivresse qui s'observe chez la population de cette localité sont également des causes de l'augmentation des accidents routiers. Ainsi, au cours de ces 3 derniers mois, 12 personnes ont trouvé la mort et 54 autres blessés suite à ces accidents routiers. Les transporteurs de la province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus ne rejettent pas les accusations. Ils affirment que certains parmi eux violent le code de la route surtout par l'excès de vitesse. Les mêmes transporteurs déplorent que parmi les agents de police en charge de la sécurité routière, il y ait ceux qui les infligent une amende qui dépasse l'infraction commise, et cela tout en spéculant à la corruption, ajoutent ces transporteurs de Kayanza. Ferdinand Ismail Ndacha Isaba, représentant de l'association des transporteurs du Burundi en province Kayanza, demande aux transporteurs d'exercer leurs activités de tous les jours dans le strict respect de la loi régissant le domaine du transport, surtout en cette période de fin d'année où il s'observe souvent beaucoup d'accidents routiers. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiumva de Kayanza. Rendez-nous à Makamba où expliquer aux administratifs leurs responsabilités à l'égard de la population. Est-ce que cette dernière attend de ses administratifs? C'est l'un des points qui était à l'ordre du jour de la réunion tenue ce jeudi au chef-lieu de la province Makamba par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique à l'endroit de toutes les couches de l'administration de cette province. Il les a signifié que leur rôle est prépondérant dans la mise en œuvre de la philosophie actuelle de l'État et qu'ils doivent plutôt rompre la mentalité traditionnelle qui stipulait que tous les biens de la localité dont on est responsable lui appartient. Suivez plutôt le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Il est alors précisé que leur rôle est indéniable et irremplaçable dans la mise en œuvre de cette philosophie de l'étranger et l'étranger, et qu'ils doivent alors changer de mentalité, changer de comportement. Et parce que l'objectif pour l'étranger et l'étranger consiste à faire du citoyen le centre de toutes les préoccupations, faire tout possible pour que le citoyen mène très bien sa vie sur tout le territoire de la République. Et il leur a alors rappelé qu'il y a alors des comportements qui doivent être bannis, notamment les comportements de corruption ou alors les comportements qui violent les droits des citoyens, et en précisant que ces comportements constituent plutôt le contraire de l'état en hausse. Le ministre a parlé de la pandémie du coronavirus et ici, il a félicité ses administratifs pour avoir lutté vaillamment contre cette pandémie, parce que vous savez que cette province est frontalière, notamment de la Tanzanie, et que au niveau de ce pays, il y a beaucoup de cas de cette pandémie, tout en les invitant à continuer le combat, même si la bataille a été gagnée, cela ne signifie pas que la guerre est terminée. Et bien le combat contre cette pandémie continue, parce que la pandémie existe toujours. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons droit de l'enfant. À présent, les violences physiques et psychologiques, la traite des enfants font partie des violations des droits de l'enfant Burundi. Le directeur de la protection de l'enfant au sein de l'association de lutte pour la protection de l'enfant, Suji Payet, relève ces abus à marge de la journée mondiale de prévention contre les abus envers les enfants. David Ninganza ajoute que la prévention passe par la responsabilité de l'État et des associations et organismes œuvrant dans ce secteur. On l'écoute. Premièrement, il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques, il y a des tortures. Toutes sortes de violences sont observées au niveau national. Il y a des enfants qui sont violés par leur propre famille, leurs proches. Il y a d'autres enfants qui rencontrent des violences de la part des voisins, des violences faites par les éducateurs, enseignants, surtout les violences sexuelles. Il y a aussi ce que je peux appeler spoliation des biens. Ce sont les proches qui s'allogent le droit de récupérer les biens de la famille parce que les enfants sont orphelins de père et mère. Il y a des enfants victimes de la traite de la personne humaine qui sont devenus comme objets de commerce vers l'extérieur du pays comme Oman et ainsi de suite. Il y a aussi des enfants exploités économiquement, surtout dans les ménages. Vous allez trouver des petits enfants qui devaient être à l'école parce que la place de l'enfant, c'est l'école, c'est l'affection parentale, c'est la discipline, c'est l'encadrement pédagogique. Mais exactement, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Quelle est la part des associations comme la vôtre qui luttent pour la protection de l'enfant? Le gouvernement, premièrement, encadre ses services, donne une orientation, une politique d'orientation. C'est le gouvernement qui encadre ses institutions, qui vérifie sérieusement la mise en œuvre, la mise en application, qu'il exécute leur mission conformément à la loi et donner appel à l'ordre aux défaillants. Et aussi dire merci à celui qui s'occupe de ces tâches convenablement. C'est le gouvernement qui encadre les associations impliquées dans l'enfance. Si les associations ne remplissent pas leur mission, c'est le gouvernement qui retourne, qui demande la participation de chacun. Pourquoi ces enfants sont dans la rue? Pourquoi ces enfants, les droits sont extrêmement bafoués? Comme il y a aussi des agences onusiennes qui sont là, sans toutefois oublier leur présence. Ils doivent eux aussi justifier comment ils exécutent leur mandat au pays dans le sens de protéger les enfants. Nous devons fournir des efforts pour faire le plaidoyer, pour assurer la protection et la prévention et aussi contribuer de façon positive auprès des parents, auprès d'autres partenaires, auprès des administratifs à la base. C'était là David Ninganza, il était au micro d'Armée de Moutore. Je vous le disais en titre, l'Office national de télécommunications, Natel, a enregistré de pertes énormes depuis 2015 à 2019. Son chiffre d'affaires a chuté de 50%, passant de 10 milliards en 2015 jusqu'à 5 milliards en 2019. Propos du ministre de la Communication des TIC et des médias ce jeudi lors d'une rencontre du Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni avec les employés de l'Onatel. Marie-Chantal Nijimbere déplore l'incapacité de cette société de rembourser les dettes encaissées qui s'élèvent à plus de 100 milliards de francs burundais. Suivez ministre Marie-Chantal Nijimbere, traduite en français par Ornella Mucho. Nous constatons une diminution des rendements à un rythme inquiétant. L'entreprise travaille à perte. En 2015, la perte s'élevait à plus de 3 milliards de francs bon. Et les chiffres montrent que cette entreprise a perdu autour de 10 milliards l'année dernière. L'Onatel n'a cessé de s'endetter auprès des tiers. Et actuellement, la dette totale de l'Onatel s'évalue à peu près 117 milliards de francs bon. Et ce sont les chiffres de l'année 2019. 2019. Il a aujourd'hui des difficultés de pouvoir rembourser ses dettes et peut même s'exposer à des amendes. Donatel a placé des actions dans certaines sociétés et banques qui se comptent à plus de 100 millions de francs. Ces actions devaient générer des bénéfices chaque année, ce qui n'est pas le cas d'après les rapports. Le chiffre d'affaires est passé de plus de 10 milliards de francs en 2015 et s'est chuté jusqu'à 50%. Face à cette situation, le Premier ministre Alain Guillaume Mbunyoni a recommandé la mise en place d'une commission d'enquête pour connaître les raisons de cette faillite et a donné un délai d'un mois aux agents de cette commission d'avoir présenté les résultats après les nouvelles mesures prises en l'écoute. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête sur toutes les traces à l'ONATEL et de montrer la responsabilité de chacun dans cette société au lieu de générer des dividendes à enregistrer des pertes. 58% en 2015 et en 2019 à 75% du chiffre d'affaires. Le capital et les salaires, tous ont été pris comme masse salariale. Qu'en est-il de celui qui a investi? Quelle est sa part? Vous aurez reparti ses salaires et des crédits contactés sans toutefois oublier la part de l'investisseur. Depuis 2015, il n'y a pas de bénéfice pour l'État pour son investissement de 2 milliards depuis 1979. C'est-à-dire que vous vous êtes accaparé de tout. Vaut mieux que vous auriez développé la société. Vous auriez au moins manqué de bénéfices pour l'État, mais que ça se trouve au compte, mais il n'y a rien. Même s'il est amer d'assumer la responsabilité, c'est par là qu'on va commencer. Nous interpellons tout le personnel de l'ONATEL qu'ils travaillent en conformité avec la loi, qu'ils se conforment aux règlements régissant leur travail. Ces derniers préconisent la façon dont le travail doit être fait pour promouvoir la rentabilité de la société afin de répondre aux visées du gouvernement. Nous saisissons cette occasion pour vous mettre en garde la dernière fois, et c'est la dernière fois. Si vous n'obéissez pas, rien n'empêchera le gouvernement à vous remplacer. Nous demandons au ministère de tutelle de faire dans les meilleurs délais des injonctions à la direction générale de cette société de mettre en place dans tous les services des objectifs de chaque service et des résultats à atteindre. Nous vous recommandons de suspendre tous les contrats inutiles. Nous demandons aussi qu'il y ait un audit pour que les salaires des employés de l'ONATEL et les avantages soient conformes à la loi. Vous devez fournir des rapports de ces recommandations en délai de 30 jours. Le Premier ministre Alain Guillaume Mbunyoni a été traduit en français par Moïse Misango. Actualité internationale. En actualité internationale, 3 morts et 34 blessés. Tel est le bilan des violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre qui a eu lieu ce mercredi à Kampala, la capitale ougandaise. Ces manifestations ont éclaté après une nouvelle arrestation de Bobi Wine, le chanteur de 38 ans, élu député en 2017 et le principal opposant au président Yoweri Museveni pour la présidentielle du 14 janvier 2021, selon la police. Comme nous le trouvons sur le site de la RFI, Bobi Wine est arrêté pour avoir sans cesse violé les directives électorales sur le Covid-19 avec la tenue de rassemblements de plus de 200 personnes, le chiffre réglementaire par meeting de campagne. Selon toujours le site de RFI, dans les rues de Kampala, des jeunes brûlent des pneus et lancent des pierres. Des affrontements ont également lieu en dehors de la capitale dans 4 autres localités du pays, selon la police. Radio Isanganiro, chronique justice.